1, 2, 4. Je ne peux vous dire à quoi ils pensent quand ils prennent de cette substance nocive, mortelle et qui rend bête. Vive la cigarette. Comment fait-on pour commencer quand on sait qu'on pourra pas arrêter? Juste deux, trois petites tapettes et t'es accro à la cigarette. C'est bon de se coudronner les croix qui s'aident à respirer. Quand on voit le nombre d'adeptes à la cigarette, quand tu fumes un paquet, ton argent part d'un coup en fumée. Tu es fauché mais tu rachètes un paquet de cigarettes. Pour être dans le vent, oublie les conseils de leurs parents. Ils fument, refument et se prennent la tête avec leurs cigarettes. Le pire dans l'histoire, c'est que les non-fumeurs sont pris au piège des crèves-cœurs. Moi je dis faut qu'ils arrêtent tous la cigarette. Si tu es je, cette chanson est pour toi. Quand on t'en propose une, affirme-toi. Tu verras, c'est beaucoup plus chouette, la vie sans cigarette. C'est beaucoup plus chouette, la vie sans cigarette. m'en fous, t'es pas forcé d'applaudir. Panam pam, panam. Doui doui bam bam. Doui doui bibi dam. Doui doui bam bam. Bibi bibi dam bam bam bam bam. Tout d'abord, je voudrais remercier parce qu'ils le valent bien. Tous ceux qui ont écouté ce CD jusqu'à la fin. Panam pam, panam. Et pourquoi je ne profiterai pas vos enceintes stéréo pour faire entendre la voix des coups de gueule les plus chauds. Panam pam, panam. Doui doui bam bam. Doui doui bibi dam. Doui doui bam bam. Bibi bibi dam bam panam bam. Des fois j'aimerais tout arrêter, je commence à en avoir marre. Des gens qui nous font rêver et nous retirent notre espoir. Panam pam, panam. On va dire que je suis hors norme, je n'aime pas du tout l'armée. Tous ces hommes en uniforme, ça me fait dégueuler. Panam pam, pam pam. Doui doui bam bam. Doui doui bibi dam. Doui doui bam bam. Bibi bibi dam bam panam bam. Arrêtez de nous faire croire que l'homme est fait pour bosser. Tout ça c'est rien que des histoires, l'homme est fait pour aimer. Panam pam pam pam pam. Doui doui bam bam. Comment tu fais? Doui doui.